Vous écoutez Une fille, un podcast, et c'est l'épisode 15. Bonne écoute! Et voilà, l'épisode 15, c'est le dernier de la saison. Je me suis beaucoup posé la question, en fait, si j'allais continuer ou pas continuer à faire Une fille, un podcast, et non pas à faire du podcast, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, je me suis demandé plein de trucs et en même temps je change d'idée tous les jours et je change d'idée à chaque fois que j'y réfléchis, donc, et franchement, j'en sais rien du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que moi je vous dis au revoir pour quelques temps parce que c'est les vacances bientôt pour moi. Je compte à rebours les jours qui me restent à faire, donc je suis bientôt en vacances et vous me retrouverez donc à la rentrée. Fin août, septembre, début septembre, j'en sais rien quand. Mais en tout cas, je reviendrai, c'est sûr. Sous quelle forme et sous quelle formule, je n'en sais rien. Sous quelle forme, n'importe quoi. forme spectrale, peut-être, je ne sais pas. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? 22 secondes et je me suis déjà perdue. Vous comprenez que là, vraiment, il me faut mes vacances. Ce que je voulais dire, oui, ça y est, c'est ça. Hop là, je reviens. Je fais le chemin à l'envers, c'est bon, j'ai retrouvé mon truc. Je ne sais pas si j'ai encore envie de parler de podcast, en fait. J'ai encore envie de parler, c'est sûr. Mais est-ce que le podcast n'est pas quelque chose, comme thème, qui me limite? Et donc, j'avais déjà parlé il y a quelque temps de cette espèce de frustration un petit peu bizarre où j'avais envie d'autre chose et que j'arrivais pas à aller jusqu'au bout du truc. Donc, voilà ce qu'il en est sorti. La semaine dernière, nous avons enregistré avec Céline. Céline que... Alors, attendez voir, c'était qui Patrick, je crois. Patrice m'avait envoyé un tweet en marquant « Et quand est-ce qu'on la réentend, Céline, la tueuse d'hamsters ?» Alors, pour info, elle tue pas des hamsters. Hein, mais bon, j'ai trouvé que c'était le clin d'œil était marrant. Mais on va la réécouter bientôt, à la rentrée, avec moi. On a presque une idée de podcast, on a presque des sujets, on a presque un podcast, on a presque un jingle, et on a presque le titre. Et c'est pas mal quand même, hein. Donc ça nous laisse un mois pour terminer ça. On a déjà fait des essais qui sont des essais, hein, c'est le but, et c'était marrant, quoi. Donc voilà. Je suis allée lui demander la semaine dernière si elle était partante et si elle allait revenir, et elle m'a dit oui. Et je l'ai enregistré, ce petit morceau. Donc, je vous le ferai écouter juste après. Donc, comme c'est le dernier de la saison, Une fille, un podcast, en fait, quand j'y réfléchis et que je me dis, j'arrête Une fille, un podcast et je fais autre chose, Eh bien, ce qui me fait le plus chier, en fait, c'est le hors-série. Finalement, je m'aperçois que je préfère presque plus que les simples épisodes. Et du coup, ben, oh, c'est chiant, putain. Écoutez, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je ferai, et je sais pas comment ça sera au mois de septembre. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que je reviens avec Céline et qu'on va faire un truc ensemble. Ça, c'est sûr. Elle m'a dit oui, et du coup. Je l'ai enregistré ce moment où je lui ai demandé, donc vous allez pouvoir l'écouter incessamment sous peu parce que je vais vous passer l'extrait là tout de suite. On s'était croisé sur le parking en sortant du boulot, c'était la pause de midi et elle m'a dit on a les mêmes horaires, on va manger ensemble, et j'ai fait ok, je t'emmène dans mon coin secret où il n'y a pas de touristes et où il fait frais. Il y a une petite fontaine, quelques tables de pique-nique, une clairière au milieu de la forêt. Enfin, vraiment, l'endroit que je surkiffe quand je fais ma pause déjeuner. Et du coup, j'ai enregistré ça comme ça, avec mon téléphone. pour tester, pour voir si ça fonctionnait. Et puis finalement, c'est pas si mal que ça. Alors je le passe et je le diffuse parce que j'aime bien tester. Et c'est un test intéressant. Voilà. On entend un petit peu de vent peut-être derrière. On entend... Oh non, on n'entend pas trop les gens qui passent. Voilà. C'est plutôt nous qu'on entend répondre aux personnes qui passent. Mais c'était bien. Ouais, voilà. Allez, je vous laisse écouter. Eh, hey, salut Céline. Salut Karine. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu par ici. Bah oui, en plein milieu de la forêt. Alors, on vous fait un spécial... Nature et découverte. Le copain des bois. Ouais, les petits castors juniors. Ah aussi. Ah oui, oui, oui. Tu connais ? Oui, bah bien sûr. Donc on a mangé ensemble, on en est au dessert. Moi j'en suis au dessert. Mm. Toi tu prends pas le dessert ? Si, si, je vais bien. Et du coup, on enregistre. Et à mon avis, il y aura du vent, donc on entendra bien la merde. Mm. T'entendras tout autour, le petit sachet là. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors comment tu vas depuis le temps ? Ça va Karine, oui. Tes hamsters vont bien ? Toujours morts. Toujours. Et enterrés. Ton chat, ça va ? Oui, ça va, ça va. Elle va nous faire des petits qu'elle va encore... Que tu vas donner, que tu vas donner. Que je vais donner. Voilà. Que je vais lever et donner. On est bien là quand même. Hein. Ouais, moi j'aime bien, je suis bien. Pas envie d'aller travailler. Ah non, moi non plus. Mmh. Mais on ira quand même. Petit rayon de soleil là, ça fait du bien. Petite mouche. On va l'entendre la mouche ? Je sais pas. On peut l'entendre, je peux l'enlever. Aussi. Tu peux la rajouter. Et toi, quand est-ce que tu reviens ? Je reviens. J'ai un planning, là, si tu veux, on regarde. On s'en fait un. Pas de souci. Bah ouais. Tu l'as monté, celui qu'on avait fait la dernière fois ? Non, ça c'est pareil, archive. Ouais, voilà. Ouais, non, mais non. C'est ça, ça donnait rien. Je sais pas comment... S'il faut qu'on prépare avant... Pas ce qu'on va dire, puisque c'est pas naturel, mais préparer un petit peu avant, ou y aller cash, mais enregistrer dès le départ, pas une demi-heure après qu'on ait commencé. Et puis te faire redire tout. Et puis je supporte pas, parce que j'arrive, enfin, ça, c'est tellement décousu après que ça veut rien dire. Ouais, c'est quoi. Clair. Certes, ça te fait plus de boulot au montage, mais le rendu est mieux, je pense. Ouais, non, moi j'ai coupé. C'est ça. J'ai beaucoup coupé, c'est normal. Mm. C'est obligé. Il y a des choses qu'on peut pas laisser. On peut pas tout laisser. Ouais. Mais ouais. Ton idéal de podcast, toi, c'est quoi ? J'en que t'aimerais sais. Faire. T'as déjà eu une idée ? Enfin, quand t'entends ce que tu fais, tu te dis là, j'aimerais mieux que ce soit. Il y a des trucs que tu veux changer, enfin que t'aimerais améliorer ou des trucs que t'aimerais faire. J'en sais rien parce que je change souvent en fait. Mm. Donc je teste. Ouais. Et puis peut-être après on tombera sur quelque chose. Peut-être après j'en aurai marre et j'arrêterai aussi. Oui. Hein. Oui. Ça c'est possible. Hein. Ouais. Peut-être qu'au bout d'un moment j'aurai fait le tour du sujet. Aussi. Ah oh bah oui. Oui, te connais. Bah tu passes souvent. Enfin, t'as des passions ponctuelles. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est possible, ouais. Si, ça souvent ouais. T'es lancé dans un truc, tu vas le faire pendant plusieurs années, hein. Je parle en années quand même, mais ouais. Après, tu vas passer à autre chose. Ça dépend, ouais. Comme le badminton. Je t'ai jamais connu en badminton, moi. C'est vrai. Ouais. Si, j'en ai fait pendant 2 ans. Ah oui. La première année, en fait, c'était super fort et intense parce que j'étais quasiment qu'avec des mecs, donc c'était assez fort comme sport. Ouais, ouais. Et puis la deuxième année, il y avait beaucoup de monde et du coup, ça devient vite. T'es relégué avec les équipes de filles. Oui, ben. Et là, du coup, c'est technique, mais c'est plus. C'est plus sportif. Enfin... C'est plus aussi violent, quoi. Ouais, ouais, et ouais. Du coup, je me suis lassée. Bah, le badminton, moi, j'aime bien quand c'est puissant. C'est bah ouais. C'est plus sympa. Ouais. Ça fasse un t'as peu fait mal, du quoi. Badminton. Ben ouais. Voilà quoi. Ouais. Bon, bah tu reviendras discuter avec j'en moi. Je reviendrai discuter avec toi. Ça marche. Je vais acheter un joli micro. Portatif, je sais pas comment on dit, portatif, c'est joli. Ouais. Ouais. Et puis comme ça je passe chez toi, hop. Ah carrément. Ah bah je pourrais l'emmener partout avec moi. Ah bien. Ça serait cool ça. Ah si tu veux, ouais. Ça j'enregistre les bons moments quand je suis avec quelqu'un ou voilà. Quand je suis. Ce sera plus. Ça peut être sympa. Ouais, je pense que ça. Ça peut être sympa. Une bonne. Ouais. Une bonne idée et puis ça peut ne rien donner aussi mais c'est pas grave. Toi, des fois, je fais Ouais, des mais quand tu trucs. fais des rencontres, comme la dernière fois, quand tu m'avais raconté que tu avais rencontré le mec dans sa cave qui avait plein de vieux trucs, Ah ouais, voilà, j'avais fait un sur le enregistrement de coup. ça, Voilà, c'était top, quoi. c'est ça. Il y a des fois, tu tombes sur des gens, Enfin, dans sa, attends, ils ont un truc à un mec dans sa raconter. cave, il faut Voilà. quand même expliquer. Faut quand même expliquer, parce que là, c'est quand même un peu bizarre ce que tu dis. Non, non, Je non. pensais que les gens, ils suivaient tes podcasts. Mais celui-là, je l'ai pas Ah publié. merde. Non, j'ai rencontré quelqu'un qui était très intéressant. Il m'a dit, je lui faisais un devis et il m'a dit, oui, venez voir, faut que je vous montre, j'ai quelque chose à faire réparer, donc ok. Et je l'ai suivi dans son garage et voilà. Et ce mec avait une collection de malades, de postes de radio et Voilà. de je sais pas, de gramophones et de d'orgues de barbarie et tout. Et ouais. Ouais, Et à un moment, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, oh, je peux enregistrer. J'ai ouais. mis le truc en route. Et voilà. Ouais. Non, mais quand tu tombes sur des gens passionnés, c'est bien d'avoir un truc, voilà, sur l'instant, tu les enregistres. Ça peut donner des bons trucs. Ouais, c'est pas faux. Alors, pour ceux que ça intéresse, je fais une petite coupure hein, dans la conversation. Je vous fais écouter vite fait de quoi on parle. Et je vous le fais pas écouter en entier parce que pour moi c'était intéressant, mais ça le sera peut-être sûrement pas pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je vous fais écouter un tout petit court extrait. J'ai vu les postes de radio, mais j'avais pas vu tout ça, moi. Mais quand je viens chez les gens, je jette pas un œil partout à scruter tout votre garage. Là, c'est une lanterne magique que je suis en train de faire. C'est tout à fait différent. Une lanterne magique, c'est quoi une lanterne magique? Ben, c'est ce qui passait chez les de l'art, c'est le cinéma. Ah, oh, c'est vrai? Et je vais poser une question très con, mais pourquoi? Pourquoi ça? Oui. Parce que j'ai vu là. Ouais, voilà. C'est mais tout, je vous ça dis une suffit. chose, c'est que si nous on n'était pas là, on est des collectionneurs dans l'âme, si on n'était pas là, Ouais. ben, il n'y aurait plus de patrimoine. Non, c'est rien, ça. J'ose pas bouger, il y a tellement de choses partout. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu de votre vie, ça. Non. Puis vous, encore à la limite, peut-être que vous avez, mais il y a vos enfants, vos petits-enfants, si vous en avez ou quoi, ils ne verront jamais ça. Et Non, si c'est nous, on ça. n'est pas là pour leur expliquer ce que c'est, ils ne sauront jamais. Très bien, très C'est bien. notre mémoire, c'est la mémoire de tout le monde, c'est pas que la nôtre. Hein. Ouais, on pourrait enregistrer plein de trucs. Le brame du cerf, n'importe quoi. 5h du matin, non? Tapis dans les bois. T'es déjà allé écouter le brame du cerf? Non. Il y en a qui le font ici, hein. Oui, il y en a. Tu te mets dans une cabane De de forêt. chasseurs, ouais. Ouais, une cabane de chasseurs, et puis t'attends. Mais c'est quoi? C'est 4-5 heures du mat, il faut y aller. Bon, c'est un peu les heures où je dors. Voilà, c'est ça. Ou alors, il faut faire la fête la veille. Rester dans la cabane. Et puis pas à dormir encore jusqu'à. Ouais, mais on est dans les. Enfin, on en a partout des. Enfin, tu les as déjà entendus. T'as déjà entendu un brame de cerf. La seule fois où j'ai fait ça, moi, c'est au Venezuela. On s'est levé à 5 heures du matin pour écouter les singes hurleurs. Voilà. Là, je suis d'accord. Ouais, d'accord. Okay. T'es Pas allé au pareil. Venezuela, toi. Oui. Tu me racontes? Ouais. Bah, c'était un voyage que j'avais gagné, donc. Ah, t'avais triché à un concours commercial. Non. T'avais presque pas triché. Non, en plus, j'ai eu du bol. C'est que non, c'était les concours là où je travaillais, donc on gagnait des voyages. J'étais la deuxième et la première n'a pas voulu partir, donc elle m'a donné son voyage. Ah putain, la conne. Et l'Égypte, pareil, même chose. Quelqu'un qui voulait pas partir, j'avais pas gagné, mais il m'a donné son voyage. Ah, oh, c'est cool. Mais pourquoi ils veulent pas partir? Bah, des fois ils ont des enfants, Ah ouais. voilà, ils peuvent pas s'organiser. C'était au mois d'avril, donc. Voilà, donc je suis partie 10 jours, 11 jours au Venezuela, dans la jungle. D'accord. Mais c'était un voyage pour bourgeois, hein, donc c'est un voyage à 5 000 euros par tête. Donc t'es dans la jungle, mais t'es dans des cabanes luxueuses. Enfin, t'as tout. Voilà, c'était bien oui et non parce que tu peux pas voir le pays. Bon, le Venezuela, c'est tellement dangereux. Tu peux apparaître dans les hôtels, tu peux pas aller à Caracas tout seul, c'est pas possible. Donc c'est un pays que tu visites par les hôtels et les circuits touristiques. Mais non, c'est sympa, c'était un beau pays quand même. Voilà. Et j'ai mangé un verre. Tu l'as jamais vu la vidéo? Est-ce que c'est la vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps Ouais, je avec l'avais remise. Oui, Ouais, je me suis demandé ce que tu mangeais. bah un Oh. verre, c'était au Venezuela ça. Ah d'accord, ben Ouais. on voyait pas, il y avait de l'herbe et tout Ah. partout autour de toi, donc j'ai pas Ouais. percuté que t'étais pas en France. Ouais. Voilà. D'accord, ah, un gros Des truc. gros blancs avec la tête noire, Ouais, ça faisait ouais. moins 5 cm Ouais. là. Oh putain, c'est bon, tu peux aller à Koh Lanta, toi. Bah, faut me faire boire avant pour que je puisse. J'avais bu 4 verres avant. pina colada avant de le manger. Mais c'était rigolo. Ça n'a pas de goût, en plus. Ça n'a pas de goût? Non, ça a un goût de beurre de cacahuète. Un peu avec un peu de terre, un peu beaucoup de terre, mais c'est... Oh, t'as vraiment un truc avec les animaux? Bah, dis! Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié. Mais c'est rien. C'était pour le fun. Il était vivant? Oui. Bah moi, tu le vois sur la vidéo, oh, je peux pas le toucher. Moi, j'arrive pas à le toucher. Hein. C'est impossible, je peux pas le prendre. Ça se tortille, c'est comme un verre, quoi. Mais ouais, c'est... Donc, il y a quelqu'un qui l'a pris, qui a arraché la tête et puis qui me l'a donné. Mais j'ai juste pris l'intérieur, j'ai pas mangé le tour. Si vous voyez sa tête, on vient le manger en plus. Oh non, mon Dieu, non, non, non. Bon, après, je sais pas, c'est on t'a payé? On m'a payé, oui, un verre. C'est pas cher payé. Non. T'as juste eu le droit de boire un verre de plus parce que t'as fait ça? Ouais. Ouais, bon, non, ça vaut pas le coup, moi, faut me payer un peu plus cher. Non, mais c'était dans l'autre, tu sais, c'est un peu comme les villages de vacances. Voilà, on était aux deux équipes. Notre équipe, il y a personne qui voulait en manger, donc j'ai fait la première. Et puis, mais il y a personne qui a suivi, donc on a perdu. Bah, ouais, c'était fun. Ah, oh, bah si, c'était fun alors. Ouais. Bon, ben Céline, écoute, on y va. On y va. On retourne bosser. Bah oui. C'est bien. On était bien là. Hein. On était bien. Hein, ouais. On reviendra. Bon, on retourne travailler. Ouais, c'est parti. Un salut. Salut. À la prochaine. À une prochaine fois, je compte sur toi. Voilà, vous avez entendu un petit peu l'extrait. Eh bien, Céline, je t'attends de pied ferme. On va se faire un truc. Si certains veulent s'incruster, si certains veulent nous donner des idées de sujets dont ils aimeraient nous entendre parler, ou s'ils ont simplement des questions... Alors, vous savez, avec nous, parce que Céline, elle est comme moi, hein, une fois qu'elle est partie pour parler, ça peut durer très longtemps, une toute petite question peut nous faire un moment. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Alors, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Je remercie tous ceux qui m'ont fait des commentaires pour l'épisode avec Jonathan. C'était super gentil. J'ai eu que des choses super gentilles, en fait. Alors, pour oublier personne, je l'ai noté. Parce que quand même, ça me ferait mal au cœur d'oublier quelqu'un, bien que c'est pas dit que j'en oublie quand même. Ben, bref, bon. Voilà, alors, ça sera mon dernier léchage de cul de la saison, d'ailleurs, tiens. Je dis merci à Parlons Balado, à Blast, à Nicotube, à Thrombose33 avec un petit clin d'œil dedans. Je compte sur toi pour ce que tu sais. RJN... _ BZH qui s'appelait avant Rome et je trouvais ça plus facile. Si tu veux bien reprendre un nom facile à prononcer, ça m'arrangerait, merci. Patrice, donc, hein, qui a fait aussi un gentil commentaire et qui voulait donc réentendre Céline, mais elle revient pas que pour ça, hein, bien sûr. Et Draven, voilà. Et Phil aussi, qui a qualifié notre discussion de quelque chose de humble. Eh bien, merci Phil, parce que c'est exactement ce que j'espère passer comme message, de l'humilité. Et si je ne le suis pas, j'espère que vous saurez me taper sur les doigts et me remettre à ma place. Donc, je pars en pause estivale. Si vous êtes déjà en vacances, tant mieux. Si vous allez l'être, bon courage, il reste plus que quelques jours. Et si vous ne l'êtes plus, eh ben, fallait pas prendre des vacances début juillet. Voilà, c'est comme ça. Envoyez-moi une carte postale. Tiens, ça serait drôle, ça. Alors, vous m'envoyez pas une carte postale, hein, vous m'envoyez un tweet postal. Un tweet, se dit ça? Un tweet carte postale? Vous m'envoyez une photo de vos vacances. Pas un selfie, hein. J'en ai rien à foutre de votre gueule devant la Tour Eiffel ou devant un musée. Je m'en tape. Ou devant la fontaine de Séville. Non. Juste vos vacances avec un beau paysage, un coucher de soleil, un truc qui me donne envie. Avec un texte à la con comme on met au dos des cartes postales, tout se passe bien, on se repose, le temps est magnifique, à bientôt. Voilà quoi, des conneries qu'on écrivait derrière les cartes postales quand on écrivait des cartes postales. Avant, au temps des dinosaures, ouais, où on collait les timbres avec la langue. Et ben voilà. Mon Twitter, c'est toujours le même, c'est @kikrine, K-I-K-R-I-N-E. Et pour Céline, eh bien, elle n'est toujours pas sur Twitter, donc je l'obligerai à créer un compte. Et pour l'instant, je transmettrai, voilà. Je vous dis à la prochaine fois, à la rentrée de septembre. Merci beaucoup parce que j'ai passé une super presque année, parce que j'ai pas commencé au début de l'année, mais c'était très très sympa pour moi de faire ça. J'ai été très très étonnée des retours, et je le suis encore. Honnêtement, je m'attendais pas à ça, et ça m'a fait, voilà, ça fait super plaisir. Merci. C'est cool en fait. C'est super cool en fait le podcast. J'ai pu avoir des discussions super intéressantes avec plein de personnes. J'ai rencontré des gens extrêmement intéressants également. Et du coup, je vous dis à la rentrée. Je vous laisse avec une petite musique. J'ai pour habitude de laisser choisir la personne qui vient enregistrer avec moi. Donc, j'ai demandé à Céline de me choisir la musique de fin. En fait, Céline, c'est quelqu'un... comment je pourrais expliquer un peu son style ? Franchement, c'est indéfini. C'est pour ça que j'adore ces personnes. C'est parce que... elle m'étonne tout le temps. Il y a... Voilà, c'est des personnes à chaque fois, même si on les voit souvent et tout, il y a toujours un truc à découvrir, il y a toujours un truc qu'on sait pas, elle a toujours un truc génial à te raconter. Et je l'adore. Donc, une fois, je lui avais emprunté son disque dur. Je l'ai gardé longtemps pour visionner tous les films qu'elle avait mis dessus. C'est une passionnée des films d'horreur. Hein, c'est voilà, elle aime ce genre. Et... il y avait une partie pour tout son dossier musique, et ça sonnait vraiment... bon, hein, vous avez déjà bien compris, hein, je sais pas trop bien parler de musique, moi je sais juste en écouter. C'était très électro, ça, je sais que ça tapait très fort, et que ça avait beaucoup beaucoup de noms allemands, donc en général moi j'aime beaucoup ça, et je m'étais régalée à écouter ces trucs-là. Donc je m'attendais à ce qu'elle me sorte un truc un peu dans ce style, quoi. Mais alors, rien à voir, aux antipodes complets de ça. Donc c'est pour ça que je l'adore. Elle me scie toujours à chaque fois, quoi. J'aurais jamais parié là-dessus. Donc je vous laisse écouter ce qu'elle a choisi, et c'est trop mignon. Voilà. À bientôt. Ciao. Pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire, je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans. Les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Bien caché dans ma cabane, je suis le roi de la sarbacane. J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents. J'ai des prix chez le marchand. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hey, par ta gueule.